Voilà en gros la liste des exceptions. Donc, une fois de plus, il s'agit de clauses très générales, sujettes à interprétation. Il faut bien s'imaginer que la loi change, le paradigme est renversé dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, mais les mentalités ne changent pas. Ça ne va pas si vite. Donc, on aura des nouveaux principes juridiques, mais appliqués encore par des fonctionnaires qui, disons, sont éduqués à l'ancienne mentalité, c'est-à-dire celle du secret et du pouvoir sur l'information. Cela dit, je dois dire que l'administration fédérale a fait un travail d'éducation des fonctionnaires. On leur a expliqué les tenants et aboutissants de la loi, les enjeux, les défis. Donc, là aussi, disons, il y a eu un travail très net pour préparer les fonctionnaires au nouveau régime.